reste toi-même, c'est comme ça que je t'apprécie. J'en ai vu avec des calibres, ils avaient le talent à Messi. Ressemble ta langue, rien que tu te vantes. Je remonte la pente, toujours au top des ventes. Ces bâtards font des manies, ils volent dans le sac à mamie. Savent pas ce que c'est le mot ami, perdu dans la cocaïne. Je suis rappeur, je suis pas caïd, tu connais les perquis de la canine. Tu connais les valeurs de la famille, tu connais les voleurs du secteur. Je connais ma tête, l'inspecteur me conseille de plus traîner la nuit. Si on m'attrape, je suis cuit, c'est moi qui vais avoir des ennuis. C'est sous Guigui, je suis en Didi, j'écoute ce qu'il se dit, Rainbow ici. Je vais me prendre un Honda ADV, je planifie mes RDV au studio, je fais que DTP. Je reçois en photo DTT, c'est plus que c'était les frangins. Je fais rupter le moteur vers étrangers, c'est plus des gens, c'est des engins. Tout le blablum, regarde la jalousie. C'est le taf qui paye, c'est Dieu qui donne. Pose-toi réfléchis, la vie me fume un petit feu. Je suis dans un camp entre deux, faut que je roule un pétant de deux, faut que je fasse gaffe à claquer peu. Putain de tel, putain de vie. Putain de tel, putain de vie. La miss m'a pisté, elle s'est fait un torticolis. Elle te dit, je suis pas comme ça, après elle te fait sa folle au lit. On me dit, qu'est-ce que là, tu sors plus, on ne voit jamais. Par l'album, tu m'arrives quelque chose, c'est programmé. Au moins, tu fais un attentat. De moi, qu'est-ce t'attends toi? Tu comptes sur les gens, toi, tu vas finir sur les gens d'eux. J'mets les gants, j'mets le roof, j'mets le contact. J'vais rafaler YouTube, tu vas sentir l'impact. Matos, matos, on sort le matos, matos. J'mets les gants, j'mets le roof, j'mets le contact. J'vais rafaler YouTube, tu vas sentir l'impact. Matos, matos, on sort le matos, matos. Mets un crochet, la lune veut décrocher. Je m'enferme moi au sud, le but c'est de faire de projets. Rien à foutre, j'ai plus le temps de regarder à droite à gauche. Quand je rentre tout seul dans la voiture, j'ai une douce dans la sacoche. Cette putain de vie maman, je te remercie, j'ai pas le nez dans la mâche. C'est l'hiver mais je fais les mèches, je fais ça pour moi, pas pour les mines. J'ai la tête, t'es jamais content. Tu deviens hautain, je t'oublie, je fume à l'hôtel. Je prépare le physique pour le vel, j'en ai des nausées. Une envie de les crosser, je vais revenir avec un gros clip, préparer tous les crosses. On va faire des boss sans dire qu'on est les boss. Moi aussi je dédosse, mais je passe là, je veux les gosses. J'oublie pas d'où je suis, j'oublie pas qui me suit. Je suis la même seule contre tout, toute mes larmes, je suis. Et suivi bien le move, je vais encore choquer des gens. Je vais rafaler YouTube, tu tues tout le temps la légende. En effet, je vois que trop fond les fous, je vois que trop fond les fiers, les blêmes, faut les affronter. Si tu peux pas, il faut les fuir. Je suis arrivé du trou du cul du loup, toi tu respectes pas, tu l'ouvres. Je vois le bout du tunnel, je pense l'époque de la Twingo. Et des embrouilles et tu verras qui se mêlera. Fais pas l'andouille et tu verras qui te volera. Fais des magouilles et tu verras qui te collera. T'as galéré, t'as vu que personne ne te donnera. Wap hop hop hop, on mourra tôt ou tard. Wap hop hop hop, je les baisse ces bâtards. Wap hop hop hop, les motards. Wap hop hop hop, esquive les motards. T'en verras bien où ça nous mènera. Ce que je ferai, ce que tu feras, combien ça durera et qui te trahira. T'en verras bien où ça nous mènera. Ce que je ferai, ce que tu feras, combien ça durera et qui te trahira. J'mets les gants, j'mets le roof, j'mets le contact. J'vais rafaler YouTube, tu vas sentir l'impact. Matos, matos, on sort le matos, matos. J'mets les gants, j'mets le roof, j'mets le contact. J'vais rafaler YouTube, tu vas sentir l'impact. Matos, matos, on sort le matos, matos. J'fume plus trop l'amener, j'm'en mets pas dans le nez. Tu veux voir mon monde, j'vais t'emmener. Cette salope est cramenée, j'la supporte plus, fais marronner. Mais moi aussi j'fais barauder. Big up Vira, j'suis des nords et les beaux mecs du AOD. Frangin, j'm'ennuie tellement, j'm'en pas, j'parle sincèrement. Quand j'kick, c'est sévèrement, d'or et de platine sur le serrement. Ça suce, mais non seulement, ça fait trier éternellement. Les mêmes qui disent pourtant j'suis tué mon frère, mais qui sont pas là à l'enterrement. Anti-PTH, anti-donneuse de go, wow. Tu me joues le do, wow. Quand tu donnes, tu te fais planter dans le dos, wow. Faut pas marronner, faut pas faire les mythos, wow. J'suis énervé, ça fait pop, pop, pop, pop. La prod, la bousille, ça fait ta, ta, ta, ta, ta. Ça a les gros, ça veut même ce que t'as pas. Pas de blabla, gros, j'm'en bats les clés ou clés. Ouais, flow, bazooka, zooka, avec, j'te fais zouké, zouké. J'aime pas les poucaves et ceux qui croient qu'ils ont tout fait. Tous les week-ends, si je veux, j'fais la malade, je suis booké. Si j'me fais disquer, c'est que je veux, pas que j'suis overbooké. Avant, ça se manquait, après, j'les ai mis ok. Ensuite, faudrait que j'fasse fermer la bouche de tous ces perroquets. Tu veux me voir, j'suis OP. Cousin, fais de la place, tu me vois pas, moi j'te vois. Regarde-toi dans la glace, jamais baisser la tête, jamais montrer ton adresse. Si demande ma rage, la plus, pourquoi le micro, j'l'agresse. J'fais du rap pour ma team, j'm'en fous d'être premier sur iTunes. J'ai pas changé, le savais-tu, même personne, même habitude. Et moi, le fuck, faut que je les choque. Je connais l'échec, les chats, l'échec avec plein de zéros. Mais j'ai jamais fait le héros, j'ai jamais fait le Zoro. J'me laisse alléger du bide, il me reste un peu de pectoraux. J'me laisse alléger du bide, il me reste un peu de pectoraux. J'me laisse